Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux est une commandite de Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. L'automne est arrivé et il est déjà le temps de se préparer pour la période froide qui s'en vient. Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous offre une vaste gamme de pneus d'hiver dans les marques les plus prestigieuses à différents prix. Venez voir nos souffleurs à neige qui seront utiles pendant nos hivers rigoureux. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Consultez notre circulaire pour nos différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional de l'édition du 20 novembre. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord. En parlant de la Ligue nationale de hockey, il y avait un match impliquant l'Avalanche du Colorado et l'Avalanche hier qui jouait contre les Flames de Calgary. C'était une victoire de l'Avalanche 3-2. Samuel Girard de Robertval a joué 20 minutes 17, a terminé le match à moins 1. Et a été blanchi dans la rencontre. Maintenant, en fin de semaine, il y avait une compétition de patinage artistique. Ça se déroulait à Allemand. Il y avait des compétiteurs de Dolbeau-Mistassini qui étaient en action. Médaille d'or en catégorie 5 de 13 ans et moins pour Maëlie Bergeron. Catégorie 5 et plus de 13 ans, c'est Saskia Duchesneau qui a terminé avec une médaille d'or. Médaille d'argent en catégorie star de 13 ans, c'est Florence Richard. Ruban Argent Star, Megan Thibault, également Magali Hudon, Elisabeth Goulet et Jersey Lambert. Médaille de bronze en catégorie star pour de 13 ans pour Elisabeth Paré. Et en catégorie star 4, notons que Pascal Delisle a terminé avec une médaille de bronze. Parlons maintenant du côté. Hier, on a parlé dans la section entrevue de dernièresdesport.com avec Samuel Houde des Saguenay de Chicoutimi. Samuel Houde qui connaît une très très bonne année et il nous explique les raisons qui ont fait en sorte qu'il connaît une si bonne année avec les Sacs. Je pense que le fait, comme j'ai dit dans les entrevues auparavant, vraiment, je suis arrivé avec une attitude différente. Puis, je savais que je m'avais peut-être mis de la pression sans le vouloir avec le fait d'être repêché par le Canadien. Puis, c'est sûr que cette année, ça va bien, j'essaie de continuer là-dessus. Puis vraiment, tu sais, je veux pas aussi la maturité physiquement, ça fait une différence. Samuel Houde mentionne qu'il n'a pas parlé au Canadien de Montréal pour signer un contrat. Non, tu sais, il me laisse jouer, puis tu sais, des fois qu'il me voit, il dit de continuer de travailler fort comme ça, mais tu sais, j'essaie pas de pousser pour avoir un contrat, là. Je laisse vraiment les choses aller. OK. Dans un temps, les Saguenay ont battu Sherbrooke assez facilement en fin de semaine. Le Phoenix Sherbrooke qui forme la meilleure équipe de la Ligue de hockey junior du Québec depuis le début de la saison. Et Samuel Houde mentionne que c'est un message clair qu'on voulait envoyer au Phoenix. Ça, tu sais, on savait que c'était une très bonne équipe, puis nous aussi, fait qu'on voulait prouver. On pouvait qu'on pouvait compétitionner avec eux autres, puis je pense qu'on l'a très bien démontré. Là, c'est vraiment, on a joué un très bon match de hockey, puis c'était vraiment, on a perçu ça. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de dernièresdesport.com. Hier, on a parlé avec Pierre-Luc Martin de la Ligue JMS. On a également parlé avec Samuel Houde des Saguenay de Chicoutimi. Sport local et régional à danradiosport.com.